Chapitre 5e. Les 8 jours qui suivirent eurent pour Gisèle et Robert le charme délicat et un peu douloureux des fiançailles. Ils se rencontraient comme auparavant presque tous les jours, dans toutes les occasions de réunion que multiplie l'oisiveté infatigable du Paris mondain. Rien dans leur attitude n'était changé, pas un mot, pas un geste entre eux qui fit allusion à l'avenir. Pourtant, rien que de s'apercevoir, ils sentaient que leurs âmes vibraient ensemble. Ils devinaient l'épanouissement de leur amour. Il semblait à Gisèle que la vie était autre. Elle s'étonnait, comme un aveugle né, dont les yeux se sont ouverts de n'avoir pas jusque-là mesuré sa misère. Le présent lui semblait déjà une sorte de passé. Elle ne vivait plus que dans l'avenir. Et quelque désirable qui lui apparût, elle subissait sans impatience, sans nervosité, la succession des heures et des jours, la monotonie des conversations, de la vie banale, l'accoutumée. Puisque tout cela allait ne plus exister pour elle, elle se sentait envers toute chose l'indulgence des agonisants qui n'ont plus longtemps à souffrir et qui pardonnent à leurs ennemis. Elle avait revu sans haine, comme sans remords, son mari après 4 jours d'absence, lui offrant indifféremment son front à baiser, lui fermant sa porte le soir sous le prétexte d'une indisposition. Elle l'aurait abhorré s'il avait prétendu abuser d'elle, s'imposer à sa tendresse. Mais, gauche, un peu honteux, empressé, soucieux de se pardonner à lui-même son escapade, le gros garçon lui inspirait plutôt une sorte de pitié. En somme, il souffrirait assez cruellement dans son amour-propre et verrait sa vie bouleversée. Mais avec ses goûts et ses habitudes, il serait vite consolé. Une langueur émue et joyeuse accompagnait Gisèle dans tous les menus actes de sa vie quotidienne. Préparatifs de fiançailles ou de mort, ces deux comparaisons lui revenaient sans cesse à l'esprit. Elle fit quelques visites, régla soigneusement toutes les notes arriérées, envoya plusieurs offrandes charitables, se réconcilia avec une amie vis-à-vis de laquelle elle se croyait des torts. Elle s'en irait, la conscience nette. Ainsi se passa la semaine. Mais tout à coup, le vendredi, à la veille du jour décisif, elle fut prise d'une sorte de terreur. Si pourtant Robert avait réfléchi, s'il avait changé, si demain il venait lui demander de lui rendre sa parole, que deviendrait-elle? Elle eut un moment de lâcheté, regretta presque de l'avoir soumis à cette épreuve. Elle s'était tellement habituée à vivre dans son espérance, à anticiper sur sa vie future, que celle qu'elle avait menée, celle qui était encore la sienne, lui apparaissait comme une sorte de cauchemar grotesque et ignoble. Elle pensa qu'elle ne survivrait pas à la douleur d'une rupture, et l'angoisse la tortura. Et justement, ce soir-là, il fallut aller dîner au cabaret avec 2 autres ménages lancés, entendre des gaudrioles dans de vagues bouillies où le snobisme entassait chaque soir les habits et les robes de soie. Tandis qu'autour d'elle, les hommes chuchotaient des gauloiseries aux oreilles complaisantes des jeunes femmes un peu grises, elle regardait devant elle sans voir, à travers le brouillard de tabac qui emplissait la salle, et elle se figurait divers genres de morts, cherchant ceux qui rendent moins laid. Mais son mari s'exclama « Tiens, voilà Daugier !» Le jeune homme se tenait à la porte de la loge. De son regard, Gisèle l'embrassa tout entier. Et avant même qu'il lui parlait, son trouble était dissipé, elle ressuscitait, respirait, refoulait des larmes de joie. Et quand il s'inclina en murmurant tout bas, « À demain !» elle savoura le bonheur adorable de la certitude. Après un sommeil d'enfant, paisible et profond, Gisèle s'éveilla très calme. Elle considéra l'avenir avec confiance, sans trouble. Elle n'avait pas de remords. Elle ne se sentait pas enchaînée par le serment de pure forme qu'on lui avait suggéré sans qu'elle en mesurât la valeur. Puisqu'elle ne feignait pas, puisqu'elle ne passerait point pour ce qu'elle n'était pas, puisqu'elle s'en allait de cette maison plus pauvre qu'elle n'y était entrée, sa conscience exempte de préjugés était satisfaite. Coupable, selon la loi, elle l'était, mais à coup sûr innocente aux yeux de l'amour. Elle ferma les yeux de volupté, qu'il serait doux tout à l'heure, de se remettre tout entière à la volonté du bien-aimé. La splendeur d'aimer l'illumina. Elle ne comprit plus comment jusqu'ici elle avait pu vivre. Selon sa coutume, M. Bertoli vint saluer sa femme tandis que, le thé enlevé, Elle mettait un peu d'ordre dans son petit bureau, choisissant quelques menus babioles de jeune fille qu'elle voulait emporter, laissant de côté tout ce qui datait de sa vie de femme. Le gros Jean était en habit de cheval. Il allait essayer une très jolie petite bête qu'il avait envie d'acheter. Rencontrera-t-il tout à l'heure Gisèle au bois ? Elle secoua la tête négativement. Elle attendait la visite de M. Daugier. « Ce bon Daugier, dites-lui bonjour de ma part. » Elle ne répondit pas. Demain, ce soir peut-être, il n'y aura plus à feindre. Elle s'absorba dans ses préparatifs, dans son rêve de bonheur. À la sonnerie du timbre, elle était debout. La porte s'ouvrit et, très pâle, elle regarda s'avancer M. Daugier. Il frémissait tout entier. Elle se sentit aimée violemment, absolument. Il lui serrait les mains dans les siennes à lui faire mal, délicieusement. Elle dit, avec un sourire, « Vous avez réfléchi ?» Il haussa les épaules, dédaigneux. « Et vous-même, Gisèle ?» Elle voulut encore tout lui représenter une dernière fois, lui dire que peut-être il briserait sa vie. Il l'interrompit d'un ton brusque. « Et vous-même, Gisèle ?» Alors, très ferme, elle dit, en le regardant en face, « Je suis prête. » Il ferma les yeux dans une extase de tout son être. Elle aurait voulu appuyer sa tête sur l'épaule robuste, couvrir de baisers les paupières chéries. Il reprit brièvement. Nos places sont retenues dans le rapide de Pontarlier. Vous sortirez comme de coutume cet après-midi. Prévenez que vous rentrerez tard. Nous serons en Suisse demain matin. Elle l'approuvait, très grave, presque solennelle. Tout était bien ce qu'il déciderait. Il ajouta. « Je ne vous fais pas de recommandations. Réglez tout ici comme il vous plaira et disposez de moi. » Elle dit, « Je vous remercie. » Et tout à coup, de leur décision prise, une détente s'opéra en eux. Maintenant, puisque leurs âmes loyales avaient parlé, l'avenir était le présent. Le sentiment de leur bonheur voila leurs yeux d'une buée. Robert murmura, « Oh Gisèle, Gisèle, comment vous dire ? Comment ?» Elle ne répondait pas, trop heureuse. En cet instant, s'il s'était approché d'elle, peut-être elle ne l'aurait pas repoussé. Mais c'était lui aussi maintenant qui voulait que leur première étreinte n'eût rien de furtif. Il se leva. « Je vous attendrai chez moi à 6h30. Le train part à 7h50. » Elle ouvrit la bouche pour lui dire qu'il pouvait compter sur elle, dès maintenant et toujours. Elle n'avait pas articulé une syllabe, que sans qu'on eût frappé, la porte du salon s'ouvrit, livrant un passage au valet de chambre. « Eh bien, Bernard, qu'avez-vous ? » Irritée, elle se retournait vers lui et elle fut frappée de son visage hagard, épouvanté. « Que, madame m'excuse, je voulais prévenir madame. » L'homme cherchait ses phrases, n'arrivant pas à joindre les mots, et de temps en temps, par la porte à demi ouverte, il jetait un regard furtif. On entendit des pas lourds, des voix d'hommes qui parlaient très bas, et tout à coup une plainte atroce de douleur bouleversa la jeune femme. « Mais, mon Dieu, qu'est-il arrivé ?»« C'est monsieur qui, en tombant de cheval, elle jeta un cri et se précipita. » Robert la suivit. Sur une espèce de civière improvisée, elle aperçut une masse gisante et le visage livide et maculé de sang de Jean Bertoli. Ses yeux roulaient sans expression et il poussait des plaintes inarticulées. Un moment, Gisèle chancela. Tout tourna autour d'elle. Mais de tous ses nerfs tendus, elle lutta et se raidit. En quelques secondes, elle était redevenue maîtresse d'elle-même. Vite, avec précision, elle ordonnait qu'on préparât la chambre, envoyait un domestique chercher le docteur, s'agenouillait auprès du blessé. Pendant ce temps, le groom, encore botté, comptait l'accident. Au tournant de la rue de la Faisanderie, le cheval avait marqué un écart. Monsieur avait voulu le ramener durement, il s'était défendu et tout à coup, violemment cabré en arrière, s'était renversé sur son cavalier. On avait fait un brancard avec 4 morceaux de bois et un matelas. Cependant, tout le personnel s'empressait. Avec 1000 précautions, on transportait le malheureux. On l'étendait sur son lit. Il ne semblait pas reprendre connaissance, mais geignait affreusement. Gisèle aperçut Robert debout devant elle. Elle eut l'angoisse qu'il ne comprit pas, qu'une parole trahit en lui l'avidité égoïste et sanguinaire, mais il s'inclinait en disant « Je vous demanderai de revenir prendre des nouvelles demain matin. Veuillez à toute heure disposer de moi ainsi qu'il vous plaira. » elle sentit son cœur se gonfler de reconnaissance. Il se retira. Alors, en attendant les médecins, très doucement, elle fit son office de garde malade, tantôt essuyant l'écume qui montait aux lèvres du blessé, tantôt lui humectant les tempes où la fièvre commençait à battre. Et dans le tumulte formidable et contradictoire de ses pensées, une seule ne l'effleurait pas. C'est qu'elle pourrait déserter le chevet de cet homme.